Les nouvelles entrées 3 cette semaine, ça veut dire par contre qu'on a dû dire au revoir à certaines de nos pièces préférées. Et on va leur dire au revoir, leur rendre hommage dans ce qu'on appelle PAMA Rest in Peace. C'est les pièces qui nous ont quittés depuis la semaine passée. C'est à cause d'Anne Dorval que j'ai pu passer mon cégep. C'est à cause d'Anne Dorval qu'on a cessé le réchauffement de la planète. C'est à cause d'Anne Dorval qu'on a une cure pour le cancer. C'est à cause d'Anne Dorval qu'il n'y a plus d'Arabes en conflit militaire. La guerre des trucs, ta ville natale. Puis le plan dans ses coups, c'est Anne Dorval. On vient d'entendre quelques extraits des pièces qui nous ont quittés depuis la semaine passée. En fait, c'est pour la semaine du 25 mars 2013. Et Stéphanie, tu vas évidemment m'aider à dire au revoir à ces pièces-là. Hein? Donc, on va dire au revoir à la pièce Anne Dorval de Rouge Pompier qui a été sur les palmarès pendant 9 semaines. Ensuite, on a entendu Bio Bazar avec And Friends qui est resté 8 semaines. Et finalement, la dernière pièce de Under Valentine, Gates of Hell, qui est restée 6 semaines. Mais eux, au moins, ils se sont fait remplacer assez rapidement. Là. C'était un candidat démissionnaire aux élections de whatever. Là, qui se fait remplacer par quelqu'un d'autre super rapidement, mettons. Je sais pas trop où je m'en allais avec ça. Mais donc, avec leur nouvel extrait The Pulse, qui est entré en 20e place tout à l'heure sur leur album Call and Conquer. Donc voilà, on dit au revoir à 3 pièces. La semaine passée, on avait dit au revoir à 10 pièces. Ouch! Ouchy, maman! Tout un deuil! Tellement! Bon, on va faire ça chaque semaine. Palmer Rest in Peace, là, c'est une idée qu'on avait en tête depuis longtemps de dire au revoir aux pièces qui nous quittent. Hein. Ça fait du bien, je pense que ça nous aide à vivre notre deuil. Cependant, je pense que Anne Dorval de Rouge Pompier va revenir sur le palmarès parce qu'elle est trop bonne. C'est tellement bonne! Ah, mais eux aussi ont été remplacés. Par contre, oui. La semaine passée, on a accueilli une nouvelle pièce, justement, de la formation dont on parle, la Rouge Pompier, Château de Sable. C'était en 18e place la semaine passée en tant que nouvelle entrée. Ça a monté un peu, je vous dis pas plus d'indices que ça, mais ça a monté pas mal beaucoup, tu sais. Oui, donc les deux pièces ont cohabité sur le palmarès. Une semaine. Wow! C'est assez. Colocation, échec total.